Puis, lorsque tous deux eurent atteint le confluent, ils oublièrent leurs poissons, qui prit alors librement son chemin dans la mer,